Merci Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 16h. Affaire sensible, aujourd'hui la fiction qui mêle et entremêle histoire vraie, reconstitution, tranche de vie d'une biographie. Aujourd'hui, Frédéric Dard, un programme proposé par Patrick Liégibel. Notre invité, Jérôme Garcin, producteur du Masque et la Plume sur France Inter. Il dirige également le service culture du Nouvel Observateur. Affaire sensible, la fiction, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, avec l'appui des documentalistes de Radio France, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Laurent Thomas, à la technique aujourd'hui, Gilles Gaillard. Fabrice Drouel, Affaire sensible, sur France Inter. Qui ne connaît pas le commissaire San Antonio et son adjoint, Berrurier? Ils doivent leur notoriété à leur auteur, Frédéric Dard, qui depuis 1949 leur a écrit plus de 175 enquêtes, dont la dernière, Trempe ton pain dans la soupe, a été diffusée sur l'antenne de France Inter dans les années 2000. Frédéric Dard, né à Jallieu en 1921, a d'abord écrit des livres pour enfants et des romans populaires. Très influencé par le roman noir américain, il admire Faulkner, Steinbeck et surtout Peter Cheney. Ami de Georges Simenon, il se lance un jour dans l'écriture d'un premier roman noir qui ne remporte pas le succès escompté. En revanche, dès qu'il est publié par les éditions du Fleuve Noir, Frédéric Dard connaît un succès jamais démenti. En 1964, son Histoire de France vue par San Antonio obtient le record des ventes de l'année. Lié avec des personnalités aussi différentes que le révérend père Brugberger, Albert Cohen ou le chanteur Renaud, Frédéric Dard vit en Suisse avec sa seconde femme jusqu'à sa mort à Bonnefontaine en juin 2000. Bonjour Patrick Liégibel. Bonjour Fabrice. L'auteur Gérard Levoyer. Eh bien Gérard Levoyer est auteur de pièces de théâtre, de sketchs, acteur, scénariste, metteur en scène. En fait, c'est un homme orchestre habité par une passion dévorante, celle du théâtre. Plus de 55 pièces écrites et jouées en France, en Suisse, en Belgique, en Angola, mais aussi en Slovénie, en Chine et au Québec. Aussi à l'aise dans les comédies que dans les plus noires fictions, plus de 130 dramatiques radio à son actif témoignent de son imaginaire foisonnant, de sa causticité, de son humanité. Frédéric Dard ou San Antonio contre Arsène Lupin de Gérard Levoyer, réalisation Étienne Vallès. Nous sommes en 1983, le 22 mars, très exactement. Frédéric Dard, alors âgé de 62 ans, l'auteur célèbre de 250 ouvrages populaires, dîne dans son chalet de Vendeuvre, en Suisse, en compagnie de sa femme Françoise et de sa fille Joséphine, 13 ans. Tu as fait crépiter ta machine aujourd'hui, dis donc. Tu as les bons trains. Oui, on peut dire ça. Je filais comme ces nouveaux bolides ferroviaires, comment les appelle-t-on déjà? Les TGV. Tu as attaqué ton nouveau bouquin, papa? Oui. Alors que mon plan n'est même pas défini, je jubilais trop. Encore un San Antonio, je suis sûr. Perdu, un Frédéric Dard, et plus Dard que n'importe lequel, puisque nous serons les personnages du roman. Comment ça, tu parles de nous? Oh là là, mes copines vont être jalouses! Non, pas d'excitation. Je raconte la vie d'un romancier que j'ai appelé Charles de Jallieu. Bon, d'accord, je suis né à Jallieu, hein, le rapprochement est vite fait. Et il a une fille? Oui, je l'ai appelée Dora. Dora? C'est pas terrible. Mais si, voyons, Dora, c'est adorable. Et moi, à quelle sauce me manges-tu? Ma chérie, tu ne vas pas être contente. Pour les besoins du roman et de l'intrigue, j'étais obligé de coller à De Jallieu une femme alcoolique. Ah ben merci. Non, mais c'est de la fiction, bien sûr. C'est un roman policier, donc il me faut un contexte dramatique, des tensions, des personnages torturés. Et bien sûr, je ne pourrai pas le lire, parce qu'il va y avoir du sexe et des gros mots. Moins que d'habitude. Et qu'est-ce qui lui arrive à cette famille qui nous ressemble, sans pour autant nous ressembler? Françoise, c'est un roman. N'y vois pas une allusion quelconque. Tout d'abord, l'écrivain veut faire le portrait d'un petit garçon, un ami d'enfance qu'il a bien connu. Toi? Non, un véritable ami qui avait un problème à l'épaule et qui devait la soutenir en posant sa main sur sa hanche. Dis donc, c'est pas très passionnant ton truc. Mon truc, comme tu dis, n'est que le point de départ du livre. Et le titre aussi, ça va s'appeler « Faut-il tuer les petits garçons qui ont les mains sur les hanches ?» Waouh, c'est vachement long comme titre. Michel Audiard fait des films qui ont du succès avec des titres bien plus longs. Et le côté polar, il arrive comment dans ton livre? Eh bien, j'imagine qu'au moment où De Jallieu écrit son bouquin, la petite Dora se fait enlever par deux photographes venus faire un reportage sur son père. deux types qui ont pu ainsi repérer les lieux et qui... Non, mais je vous en dirai pas plus pour ce soir. Voilà. Allez, Joséphine, au lit. Oh non, dis-moi comment ça va se terminer. Mais je n'en sais rien moi-même. Joséphine, il est tard, va vite te coucher. Bon, moi je vais travailler un peu. Pas trop longtemps, mon chéri, tu as l'air fatigué. Juste quelques trucs à finir et je vais me coucher. Le lendemain matin, comme à son habitude, Frédéric Dard prépare le petit déjeuner. Françoise entre la première dans la cuisine. Ça sent bon. Ça fait griller des tartines. Oui. Le jus d'orange est servi et le café finit de passer. Joséphine n'est pas encore descendue? Non. Va être en retard si elle se dépêche pas. Joséphine! Tu t'es couché de bonne heure hier soir? Oui. J'avais mal dormi la veille. Du coup, j'ai pris un somnifère. Joséphine! C'est curieux, on n'entend pas bouger. Tu crois qu'elle est réveillée? Attends, je suis monté à sa chambre. Dis-lui de préparer ses affaires de danse, je passerai la chercher au collège. Joséphine, tu es réveillée? Joséphine! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas dans sa chambre. T'es sûr? Ah, nom de Dieu, nom de Dieu. Regarde, la fenêtre était ouverte. Il y a des morceaux de verre par terre. Tu crois qu'elle a fugué? Ma petite chérie, mon enfant, où es-tu? Regarde, du sang dans le lit. Oh non, non, non! C'est pas vrai! Oh, c'est affreux, mon Dieu, pourquoi? Pourquoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Calme-toi, Françoise. Viens dans mes bras. Faut garder espoir. Pourquoi il y a du sang dans son lit? Qu'est-ce qu'on lui a fait, Joséphine, mon bébé? Bon, mais c'est ma faute. Voilà, j'ai joué avec le feu en écrivant mon livre. J'aurais dû prendre des précautions, j'aurais dû protéger mon enfant. Mais non, tais-toi. Oh, je crois que je vais devenir folle. Elle est en train de souffrir par ma faute. Mais c'est affreux! Qu'est-ce qu'on peut faire? Dis-moi! Aide-moi! Attends, regarde. Il y a un mot sur la table de nuit. Si tu veux revoir ta fille vivante, prépare 2 millions de francs suisses en petites coupures usagées et ferme ta gueule. Rien à la presse, rien à la police. Elle est vivante. Oui, oui. Pour le moment, oui. Après avoir songé à un meurtre à cause des traces de sang, à un viol, à toutes les figures possibles et plus dramatiques de la disparition de leur fille, Frédéric Dard et sa femme décident de prendre conseil auprès de l'un de leurs amis, Jean Dumur, rédacteur en chef d'un grand quotidien roman, qui entre en contact avec le commissaire Gustave Grémaud, malgré les recommandations du kidnappeur. Bientôt, mais en toute discrétion, le chalet de l'écrivain se remplit de policiers. Manifestement, le ou les individus sont entrés par la fenêtre. L'échelle est encore appuyée sur le mur extérieur. Nous l'examinerons pour voir si l'on peut relever des empreintes, mais je doute fort qu'elles nous avancent beaucoup. Ensuite, vide brisée, un tour d'espagnolette, enlèvement de la fillette endormie et fuite par le même chemin. Mais le sang? Deux hypothèses. Soit le visiteur s'est blessé en brisant le carreau, soit... C'est le sang de ma fille, j'en suis sûre. Les draps en sont maculés. Oh, mon petit ange. Calme-toi, ma chérie. S'il te demande une rançon, c'est qu'elle est vivante. Je crois que Monsieur Dard a raison et nous allons travailler dans cette hypothèse. Je ferai tout ce qu'il demandera. Je vais rassembler l'argent. Je viens de vendre mon chalet de Stadt. Je vais appeler le directeur de ma banque. Le ravisseur va sûrement se manifester par téléphone pour vous donner ses instructions. Faites-le parler le plus longtemps possible. Votre ligne est sur écoute. Nous tenterons de localiser son appel. Mes parents doivent appeler de la Guadeloupe où ils sont en vacances avec mon beau-fils. Répondez normalement, comme si tout allait bien. Il faut que rien ne s'ébruite. Très bien. Décrochez, je suis tout à côté de vous. Si besoin est, je vous ferai des signes. Allô? C'est la télévision. J'avais une interview. Excusez-moi, mais je ne pourrais pas venir à la télévision parce que, comme vous l'entendez, j'ai attrapé une angine. Je suis totalement à faune. Frédéric Dard, qui d'ordinaire est très émotif, fait en la circonstance preuve d'une grande maîtrise et répond à plusieurs appels sans rien laisser paraître du drame qui se joue. La tension monte au fur et à mesure que le temps passe. Mais enfin, le ravisseur donne signe de vie. Pour tenter de l'amadouer, Frédéric Dard change alors de ton, retient sa colère et adopte le parler de San Antonio. C'est toi, Frédéric Dard ? Ouais, c'est moi. T'as fait comme j'ai dit ? Ouais, j'ai les bifetons et j'ai rien dit au poulet. Mais comment va ma fille ? Elle va bien. Mais le sang ! Je peux lui parler ? Non, pas aujourd'hui. Je me tire l'épine. Je sais pas si t'as des mioches, mais on s'inquiète pour eux quand il leur arrive quelque chose. T'auras une lettre d'elle demain. Ciao. Mais la lettre n'arrivera jamais, plongeant la famille Dard dans la plus extrême angoisse. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon. Sleep at night, how will I raise my head? Oh, I'm scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there. Left in there. There's a man on the horizon. He should go to bed. If I fall to his feet tonight, will he love, rest my head? Pain, I will not drown or paralyze in life. And God said, I don't want to go to the sea's watershed. Hope this song will take care of me when I die. Will I go? Oh, let someone save my heart free. None's to hold it when I'm que la famille Dard se morfond à attendre des nouvelles de leur fille et de son ravisseur, la police s'active mais ne trouve rien. Les empreintes ne sont pas fichées et l'étude du message n'apprend rien sur son auteur. Une journée passe dans la plus profonde angoisse. À quelques kilomètres de la Suisse, à Annemasse, la petite Joséphine vit les heures les plus pénibles de son existence. Tiens, je t'ai préparé du poulet. Mange. J'ai pas faim. Tu préfères du jambon? Ben mange. On a toujours faim à ton âge. J'ai mal à la tête. Pourquoi vous me faites toutes ces piqûres? Pour que tu dormes quand je vais téléphoner à tes parents. Vous me faites mal. Ça m'étonnerait. J'ai fait médecine, 5 années. Quand est-ce que je vais rentrer chez moi? Bientôt, si tes parents font tout ce que je leur demande. Allez, mange. Pourquoi vous m'avez choisi, moi? Parce que je suis venu chez toi. J'ai hésité avec le fils de Sophia Loren, mais je t'ai croisé devant ton école, et voilà. Si tu manges pas, tu resteras toujours toute petite. J'ai mal au cœur. Donne-moi ton bras. Je te ferai une piqûre. Faut que j'aille appeler ton père. Non! Non, pas de piqûre. Non, ça fait mal. Oui? Dar, écoute-moi. Pourquoi j'ai pas reçu la bafouille de ma gosse? J'ai oublié, mais elle va bien. Et le sang dans les draps, c'est le sien? Qu'est-ce que tu lui as fait? Des piqûres, juste des piqûres, mais je m'y suis mal pris, ça a saigné. Tu devais me filer un détail qui prouverait qu'elle est bien vivante. Tiens, écoute, elle t'a enregistré un message. Papa, maman, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Tu as demandé que je donne un détail? Eh ben, sur ma trousse d'écolière, il y a Mickey et Minnie. Je vous embrasse. Je vous aime et j'ai hâte de vous retrouver. Elle est vivante. Ok. Mais tu l'as pas touchée, dis-moi. T'aurais pas osé toucher ma petite fille. Je te dis que non. Bon, maintenant, écoute. Si tu veux la revoir, tu vas te rendre à Russin, près de la frontière franco-suisse. Tu iras à la cabine téléphonique devant la mairie. Et je te donnerai d'autres instructions. On est d'accord? D'accord. Je compte sur toi pour bien t'occuper de Joséphine. Mais oui. Elle est nickel chrome, ta gosse. Seulement, elle ne veut pas manger. Elle est difficile. Tu sais, les mômes, ça chipote. Ça mange 2 frites, et puis ça veut des nouilles. Fais-lui des crêpes, elle adore ça. Ok. Je raccroche, hein. Très bien, monsieur Dar. Vous avez magistralement négocié. Je crois qu'il ne se doute de rien. Je vais partir immédiatement. Nous allons vous équiper d'un émetteur. Non. Je ne dois prendre aucun risque. Qui ne se doute pas que la police est prévenue. Votre voiture, au moins? Non, rien du tout. Je t'en prie, mon chéri, prends soin de toi. Cette situation est déjà si terrible, si dangereuse. Françoise, rassure-toi. Il ne se passera rien. Et demain, nous serons à nouveau réunis, toi, moi et Joséphine. Que Dieu t'entende. Je ne sais pas s'il m'entend. À mon avis, il a dû tourner la tête un moment. Sinon, il n'aurait pas permis que Joséphine soit enlevée. Les billets sont dans cette mallette. Ne prenez aucun risque. Faites bien tout ce qu'il demande. Bien sûr. Et vous, n'intervenez pas. Ne me suivez pas. Laissez-moi négocier seul. C'est la vie de ma petite fille qui est en jeu. Et Frédéric Dar s'en va dans la nuit au volant de sa voiture. Il connaît mal la région qu'on lui a indiquée. Il se perd. Il a peur d'arriver en retard, que le ravisseur s'impatiente et commette l'irréparable. Mais enfin, il trouve la fameuse cabine, s'y engouffre. Dar? Ouais. Je suis dans la cabine et j'ai le pognon avec moi. Très bien. Tu vas te rendre à Verbois. Tu connais? Le barrage sur le Rhône, ouais. Dans 1 heure au plus tard, tu trouveras une voiture, garée près de la berge. Les feux seront allumés. Je t'en dis pas plus. Tu seras dedans? C'est à toi que je fourguerai la manette? Tu verras. Allez, traîne pas. Plus tu tarderas, plus tard tu reverras ta gamine. Frédéric Dar repart dans la nuit, se perd, pense qu'il arrivera trop tard, que sa fille sera morte, que ce sera de sa faute. Un suspense identique à ceux de ses romans lui serre le cœur et les entrailles. Enfin, il trouve le barrage. Une voiture stationne, feu allumé, mais vide. Cette fois, il en est certain, sa fille est morte. C'est alors qu'une voix lui parvient depuis l'autre rive du fleuve. Dar, approche-toi de la voiture. Tu vas trouver un filant attaché au pare-choc. Tu vois? Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je bricole avec ça? Tu vas y attacher la valise et la faire glisser jusqu'à moi. Et si elle se décroche? Si elle tombe dans le fleuve? Y'a un mousqueton très solide. Tu t'en sers pour l'attacher. Allez, dépêche-toi! Et ma fille? Dès que j'aurai la valise, je te ferai savoir comment la récupérer. Lentement, la valise traverse le Rhône. Frédéric Dard frémit à chaque oscillation. Si la valise se détache et tombe dans l'eau, alors, c'est certain, il tuera sa fille. L'attente est longue, lourde, oppressante. À 3 heures du matin, n'ayant plus signe de vie du ravisseur, il se dit que tout s'est bien passé et qu'il n'a plus qu'à rentrer chez lui, attendre la libération de sa fille. Quelques heures plus tard, en plein cœur de la nuit, Joséphine se réveille dans une vieille caravane. Monsieur ? Monsieur, vous êtes là ? J'ai froid. Vous n'auriez pas une couverture ? Quelle heure est-il ? Il fait nuit noire, j'ai peur. Monsieur, vous êtes là ? Quand est-ce que je vais revoir mes parents ? On dirait que je suis toute seule. Où est la porte ? La voilà. Monsieur ? Monsieur ? Oh. Elle est ouverte. Il n'y a personne. Non, alors j'y vais. Bonjour Jérôme Garcin. Bonjour. Les auditeurs de France Inter vous connaissent bien sûr puisque vous êtes producteur et animateur du Masque et la Plume sur France Inter. Nous allons donc parler de Frédéric Dard. Voilà un écrivain qui, parmi d'autres écrivains qui vous passionne particulièrement. Vous connaissez bien son œuvre. Je rappelle, hein, Frédéric Dard, 286 romans publiés, dont 175 volumes de San Antonio, publiés de 1949 à 2001. Alors évidemment, auteur prolixe qui a généré des critiques, genre trop de succès, plus de 220 millions d'exemplaires vendus. C'est des critiques qui ont fait oublier le talent rabelaisien de cet auteur. Disparu, je rappelle, le 6 juin 2000, ce forçat des lettres a inventé près de 15 000 néologismes. Quelle place il tient dans la littérature et aussi dans votre goût personnel ? Alors d'abord, dans mon goût personnel, c'était, je ne peux pas le cacher, un ami très proche. On se voyait beaucoup. En Suisse, il disait, je me suis ensuidé en Suisse et puis surtout en France. Et c'était un auteur que je trouvais et que je trouve toujours exceptionnel. Pour vous donner une idée de ce qu'il a été dans les années, je dirais 80, 70, 80, c'est le seul écrivain français populaire qui a été lu autant par ce qu'on appelait à l'époque les bidas, c'est fini, et par ceux qui faisaient leur service militaire, oui, que par les universitaires et les grands écrivains. Vous savez, il ne faut jamais oublier qu'un homme comme Cocteau, par exemple, disait, ce qui est extraordinaire chez San Antonio, c'est que c'est une prose en relief. Même un aveugle pourrait le lire avec la peau des doigts. Autour de Cocteau, et après Cocteau, il y a eu des universitaires comme Robert Ascarpi, des écrivains comme Claude Mauriac, comme Bertrand Poirot-Delpech, qui en ont fait un très grand écrivain, c'est-à-dire un inventeur de langage. Frédéric, qui passait son temps à me dire, moi j'ai 2 mètres, c'est Céline, l'écrivain Céline, et puis c'est l'autre modèle, c'était les pieds nickelés. Et il y avait ça dans son œuvre, c'est-à-dire évidemment des histoires croquignolesque, mais il y avait surtout l'invention d'un langage. Vous parliez des néologismes. Vous savez qu'il y a eu un dictionnaire, il en était très très fier d'ailleurs, qui a été publié un jour, un vrai dictionnaire qui rassemble tous les mots inventés par Frédéric Dard, c'est-à-dire les néologismes en grande partie, mais également les calembours, les jeux de mots à l'infini. Ça faisait quand même 400 ou 500 pages. Il a été l'inventeur d'un langage. Donc, en même temps, c'est vrai, c'était un très grand auteur de romans populaires. J'aime pas le mot polar, parce que c'est pas vraiment des polars. Il y a de l'intrigue, mais c'est surtout les personnages qui comptent. Oui, bien sûr, on en reparlera des personnages. Et la langue. Mais c'est quand même un écrivain. Et la meilleure preuve que c'est un écrivain, c'est qu'il y a les 200 et quelques San Antonio dont vous parliez. Et puis il y a à côté, on en parle beaucoup moins aujourd'hui, on en parlait beaucoup à l'époque, les grands romans. Alors justement, j'allais vous poser la question. Il y a la part San Antonio qui est connue, qui est la marque de fabrique, si je puis dire, de Frédéric Dard. Et puis, ce sont les autres romans. Alors, parlez-nous justement de cette œuvre non-San Antoniesque, si je puis dire. Alors, ce qu'il appelait les grands romans, c'était d'abord, pour le coup, des grands formats, des très grands romans. Je pense à La vieille qui marchait dans la mer, qui était un un livre extraordinaire qui a été adapté à l'écran d'ailleurs avec Jeanne Moreau, mais aussi Le Mari de Léon, mais aussi Les Clés du Pouvoir sont dans la boîte à gants, Faut-il tuer les petits garçons qui ont les mains sur les hanches, etc., qui sont ces grands romans, je dirais, très noirs, très cruels, parce que le vrai, pour moi, le vrai Frédéric Dard, le vrai San Antonio, il était moins dans ses San Antonio habituels, dont il faut quand même rappeler à vos auditeurs qu'il en pondait entre 5 et 6 par an. Oui. Sur sa... Vu le nombre total, sur sa vieille IBM à boule électrique, 5 à 6 par... Mais les grands romans lui demandaient beaucoup plus de temps, et c'est dedans qu'il mettait sa nature profonde, qui était celle d'un désespéré. Frédéric était un homme désespéré. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que cet homme qui passe pour être le pape de du polar égrillard était profondément, et depuis les origines, depuis sa naissance, était un homme qui broyait du noir. Il rappelait ce qu'avait été sa naissance en 1921 à Jallieu, en Isère, c'est-à-dire la phrase de son père, authentique, l'enfant venait mal, le petit Frédéric venait mal, sacrifié l'enfant et sauver la mère. Et ça l'avait absolument traumatisé. Et puis après, il a été constamment obsédé par la mort, par la noirceur. Il a fait des tentatives de suicide, il s'est pendu, il raconte, dans une grange à 30 ans et des poussières, et c'est revenu de manière récurrente jusqu'à un drame. On en redira un mot dans la qui est l'enlèvement de Joséphine. On se retrouve dans quelques minutes, Jean-Luc Garcin. Woke up this morning, there's a chill in the air. Went into the kitchen, my cigarettes were lying there. Jacket hung on the chair the way I left it last night. Everything was in place. Everything seemed alright. But you were missing. Missing. Last night I dreamed the sky went black. We're drifting down, couldn't get back. We're lost in trouble, so far from home. I reached for you, my arms were like stone. Woke me missing. Dans le chalet de Frédéric Dard, qui attend anxieusement avec sa femme l'appel du ravisseur. Les plus sombres pensées sont venues à l'esprit de l'écrivain. Maintenant qu'il a l'argent, qu'est-ce qui l'empêche de tuer ma fille? Mais Frédéric Dard étouffe cette petite voix du malheur. Sa femme doit être rassurée. Il va la tuer. Je suis certaine qu'il va la tuer. Mais non, ce n'est pas un criminel. Juste un pauvre type qui a besoin d'argent. J'ai un affreux pressentiment. Jamais il n'appellera. Je lui ai parlé au téléphone, Françoise. Je te jure que ce type m'a paru sincère. Enfin, autant qu'on peut l'être quand on est criminel. Non, non. Il faut attendre. Tranquillement. Mais Joséphine a dû voir son visage. Elle peut l'identifier, le reconnaître. Il va chercher à effacer toute trace derrière lui. Il a dû prendre ses précautions, porter une cagoule ou lui bander les yeux. Tu essaies de me rassurer, mais moi je suis moins tranquille que toi. C'est ton imagination de romancier qui tente de me raisonner. Mais non, voyons. C'est sa vie qu'il nous a vendue. Sa vie. C'est lui. D'accord. C'est très bien. Tu as été très obéissant, alors tu vas revoir ta fille. Où ? Quand ? À quel endroit ? Tu vas traverser le canton, du côté de Versoix. Dans le bois du Faisan, tu trouveras une caravane. Elle est là. Salut, et merci du cadeau. Oh, quel soulagement ! Je n'arrive pas à y croire. Mets vite ton manteau, ma chérie. On va chercher Joséphine. Monsieur Dard, ce serait plus prudent de laisser la police s'en charger. Vous voulez rire ? Ma fille est libre ! C'est à nous d'aller la chercher. Mais il peut s'agir d'un piège. Le ravisseur peut vous attendre sur place, armé qui plus est. Je vous dis qu'il est sincère. Ce type voulait de l'argent, il l'a. Il ne va pas aggraver son cas en commettant un meurtre. Frédéric a raison. Réfléchissez un peu. S'il veut profiter de son argent, il a intérêt à filer tout de suite. Très bien. Mais nous vous suivrons cette fois. Et si tout se passe bien, ce que je souhaite le plus sincèrement possible, nous serons sur place pour relever les indices. Mais lorsque les parents de Joséphine arrivent sur place, la caravane est vide, désespérément vide. Malgré sa fatigue et les effets des somnifères, Joséphine a couru droit devant elle, à travers la forêt, jusqu'au lever du jour. Là, elle rencontre une route. Elle agite les bras, fait signe aux automobilistes de s'arrêter. L'un d'eux finit par la prendre à son bord. Je suis la fille de Frédéric Dard. J'ai été enlevée, mais je me suis échappée. S'il vous plaît, amenez-moi chez mes parents. À Gstaad. Non. À Vandœuvre. Ou à la police. Ils doivent être au courant. Vous me croyez ? Je n'ai pas fugué. C'est un kidnapping. Vous regardez mes bras, mais... C'est des piqûres. Je suis la fille de San Antonio. Comme le rapt n'a pas été signalé aux journaux, le pauvre automobiliste est persuadé que la gamine est une droguée en proie à une crise de délirium. Et il la dépose non pas dans un poste de police, mais dans un bistrot. Madame, je suis la fille de Frédéric Dard. J'ai été enlevée, mais je me suis échappée. S'il vous plaît, prévenez mes parents à Gstaad. Non, à Vandœuvre. Ou appelez la police, ils doivent être au courant. Il faut me croire, je dis la vérité. Je n'ai pas fugué, c'est un kidnapping. La patronne, une brave femme, mais surtout une brave mère, se laisse attendrir par le récit bredouillé par cette pauvre gosse perdue. Elle prévient la police, qui ne tarde pas à arriver. Les parents et leurs filles se retrouvent donc dans les effusions qu'on imagine. Rires et pleurs mêlés, embrassades et serrements de bras, caresses, baisers, tout ce que le cœur peut commander pour compenser une si épouvantable peur. Ô mon enfant, ma chérie, mon amour, ô petite fille qui m'appelait, qui criait dans la nuit de ses premiers jours, des mots que jamais je n'oublierai. Ô mon bel ange, ma tendresse infinie, ô toi l'essence de ma vie, laisse aux adultes leur regard de caillou et fais-moi l'aumône d'aimer l'amour que je te porte et qui me porte. Crie à nouveau mon nom dans les champs du sommeil, je l'entendrai. Ô mon bonheur, ma blessure indicible. Ma blessure indicible. Jamais on ne pourra vraiment ressentir la blessure qu'un père et une mère peuvent ressentir devant un tel drame. Elles sont arrangées au placard des douleurs extrêmes qu'on voudrait à jamais fermer. Mais revenons à cette histoire qui n'est pas terminée. San Antonio a donc recollé les morceaux de sa famille explosée. Mais qu'advient-il du ravisseur ? Eh bien, la police va faire un travail remarquable. et grâce à son habileté et à un témoin surprise, procéder à l'arrestation du malfaiteur en une semaine. Tu te demandes comment on a fait pour te retrouver, hein? Bah oui. Et j'ai pourtant pris mes précautions pour qu'on me reconnaisse pas. J'avais mis une cagoule avec la gamine. Je téléphonais d'une cabine, jamais plus d'une minute. Ah, je comprends pas. T'es vraiment pas finaud, Edouard. Qu'est-ce que tu mettais pour aller téléphoner? Un masque. Un masque de Mitterrand. Ouais. Franchement, tu penses que ça passe inaperçu en dehors des périodes de carnaval? Des tas de gens portent des masques pour aller à des bals masqués, des fêtes, des spectacles. Oui, mais pas pour téléphoner. Du coup, quelqu'un a trouvé ça bizarre et a relevé le numéro de ta voiture. Pourquoi faire? Le kidnapping n'était même pas connu, personne n'en parlait. Tu changeras pas le monde. Il y a ceux qui regardent derrière le rideau, il y a ceux qui écoutent aux portes et il y a ceux qui notent ce qu'ils voient. J'ai vraiment pas eu de peau. Je crois surtout que t'es un peu con, Edouard. Oh, ouais. Parce qu'en plus, tu te servais de ta voiture. Tu aurais voulu nous simplifier la tâche, que tu t'y serais pas pris autrement. Oui, je sais faire beaucoup de choses, mais pas voler les voitures. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ce kidnapping? T'as pourtant un bon boulot, t'es caméraman à la télévision. Oh, j'y ai pensé comme ça, en lisant un truc sur l'enlèvement du petit Éric Peugeot. J'ai trouvé ça facile. Je me suis mis à faire une liste des enfants de gens célèbres qui sont dans la région et puis je suis allé faire un reportage chez Frédéric Dard. Alors j'en ai profité pour repérer les lieux. La rançon? Elle est chez moi. J'ai même pas eu le temps d'y toucher. De toute façon, tu te serais fait encore avoir. Les billets étaient numérotés. Oh la vache! On peut faire confiance à personne. La caravane était comme ça? Moi, je dormais là. Lui, parfois, il me cuisinait des plats, là, sur une petite plaque. Sinon... Messieurs, nous allons nous arrêter là. Ma fille est fatiguée, je crois que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Merci de nous laisser. J'espère que vous comprenez. Veux-tu aller te reposer, ma chérie? Oh non, pas dans ma chambre. J'aurais trop peur. Non, pas dans ta chambre. Nous allons prendre un hôtel et tu dormiras avec nous. Et puis nous allons partir en voyage nous reposer, au soleil. À Marbella? Oui, à Marbella, si tu veux. Et puis nous allons prendre un chien qui ne te quittera pas d'une semelle. Un super clèche policier qui mordra tout ce qui t'approchera et qui gueulera pire qu'une sirène de pompier. Et ton livre que tu voulais écrire? Ah, ne parlons plus de ça. Je le maudis et je me demanderai toujours si je n'ai pas commandé notre malheur en imaginant ce récit. Tu as eu de la peine, mon papounet? Si tu savais. Dans un de mes bouquins, j'ai écrit... Nous autres poètes, quand nous avons de la peine, nous lui cherchons un titre. Mais cette fois, c'est tout le bouquin que je voudrais effacer. Laisse passer un peu de temps, mon chéri. Tu le finiras plus tard. Pendant ce temps, l'interrogatoire du ravisseur se poursuit. Et Gustave Grémaud, le policier, va de surprise en surprise. Je comprends pas. Tu as une famille, une femme, des enfants, un boulot. Tu n'es pas pauvre. Tu as même un bateau. Pourquoi voler un enfant? Je suis pas pauvre, mais c'est pas la fortune non plus. Quand on a faim, on vole de la nourriture. Comment tu as pu mijoter un enlèvement comme ça, sans avoir jamais été dans la délinquance? Je voulais finir en beauté, par un gros coup. Comment ça, finir en beauté? Finir quoi? Autant vous le dire, vous finirez par l'apprendre. C'est moi, Arsène Lupin. Quel Arsène Lupin? Celui qui vole dans les châteaux, les manoirs. Ça fait 10 ans que je vole. Tu veux dire, celui qui remplace les œuvres d'art par des facsimilés? Ouais. Quand c'est ouvert au public, je visite, je prends des photos, je repère les lieux. Ensuite, je fabrique des copies des trucs qui m'intéressent. Après, je reviens faire la visite et je m'arrange pour faire l'échange. Ni vu, ni connu. Mais il y a des alarmes, des chiens! Bah ouais, mais j'ai jamais été embêté. Il y a même des châteaux où les propriétaires ne se sont jamais rendus compte de la substitution. Eh bien, tu vois, faut jamais changer de métier quand on en tient un. T'étais doué pour le vol, pas pour le rapt. Ouais, pas de bol. Au fait, tu lis les bouquins de San Antonio? Non, j'aime pas trop. C'est un tort. T'aurais appris que San Antonio en sort toujours vainqueur. Le ravisseur a écopé de 20 ans de prison. Il en a tiré 13 avant de reprendre une vie normale. Quand une peine est purgée, on dit qu'elle est pardonnée. Frédéric Dard pouvait-il pardonner à une personne qui lui a infligé un si profond malheur? Ce que, disons, machin a commis, Il l'a fait à ma fille, à ma femme et à moi. Je ne suis pas habilité à pardonner au nom de mon épouse et de mon enfant. Tout ce que je puis dire, c'est que je demeure sans haine. J'éprouve une profonde compassion à l'égard de Madame Machin et de ses trois gosses. La victime de cette affaire, ce n'est pas seulement la famille d'Art, c'est la famille de cet homme. Après cet enlèvement, la vie de la famille d'Art ne sera plus jamais la même. Frédéric Dard finira son livre « Faut-il tuer les petits garçons qui ont les mains sur les hanches ?» Il écrira encore bon nombre de San Antonio, de romans sous d'autres pseudonymes, de scénarii et d'adaptations pour le cinéma, mais aussi un petit opuscule tiré à seulement 100 exemplaires, intitulé « Lamento à Joséphine » et qui témoigne magnifiquement de l'amour de l'écrivain pour sa fille. « Tu sais, je viens d'éclairer dans ta chambre, bien qu'il fasse jour et que tu sois absente. » Pour ajouter de la lumière à ta lumière. Ô mon enfant dont je guette les yeux, ô mon heureuse dont je pleure les larmes, ma tare venue, mon présent de Dieu, je t'en supplie. Ne m'oublie pas en ma présence. Regarde-moi et vois-moi. Vois la glorieuse misère de ma tendresse. Vois et comprends ce qu'est un père aimant. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Notre invité aujourd'hui pour nous parler de Frédéric Dard, c'est Jérôme Garcin, producteur et présentateur du Masque et la Plume sur France Inter. Il dirige également le service culture du Nouvel Observateur. Jérôme Garcin est donc avec nous pour nous parler de Frédéric Dard et San Antonio, d'ailleurs, qui est l'un, qui est l'autre, qui a inventé l'un ou inventé l'autre, on y reviendra. Donc il se trouve que vous l'avez bien connu, que c'était un ami proche et que vous pouvez donc nous parler de l'homme, et c'est important. Vous disiez il y avait beaucoup de noirceur en lui, et puis bon, il y a eu l'enlèvement de sa fille. Personnalité peut-être un peu fragile. Très fragile. C'était un drame terrible. On se voyait à peu près deux, trois fois par trimestre. Et je peux vous dire que nos soirées, nos déjeuners, nos dîners étaient toujours les mêmes, c'est-à-dire c'était un mélange irréfutable d'éclats de rire, de gauloiserie dont il avait évidemment le secret, et de larmes. Cet homme pleurait. Cet homme aux yeux bleus, je disais toujours, t'as le regard bleu de ton lac Clément sur lequel, auprès duquel tu vis tous les jours, il pleurait, mais il était d'une hyper sensibilité. D'abord parce qu'il voyait la vie en noir. Ses amis proches à Fribourg, par exemple, dans sa ferme de Bonnefontaine, c'était plus l'évêque de Fribourg que d'autres amis écrivains qui, en général, fréquentaient peu. Il allait chercher des questions et parfois des réponses sur Dieu, sur la mort, sur l'après-mort. Il ne supportait pas la vieillesse. L'admirable vieille dame qui marchait dans la mer, c'est avec une violence, il faut dire, que j'ai rarement lu dans un roman, une manière d'expurger cette hantise, cet effroi devant la vieillesse, au refus, en fait. Devant la mort. Oui, absolument, du temps qui passe. Vous voyez, il avait adopté un petit garçon tunisien, merveilleux, qui s'appelle Abdel, qu'il était allé chercher en Tunisie et qui était. Qui souffrait de plusieurs maladies, qui était quasiment difforme. Il était allé le chercher tout petit avec sa femme, avec Françoise. Et bien, chaque fois qu'il me parlait d'Abdel, de la manière dont il grandissait, dont il réussissait d'ailleurs à grandir malgré ses problèmes physiques, il pleurait. Autant vous dire que le jour où dans sa maison de Vendeuvre, qui se trouve dans la banlieue cossue de Genève, ce qui est presque d'ailleurs un pléonasme, quelques jours après l'enlèvement de Joséphine, quand il m'a montré la chambre où elle avait été enlevée, il s'est mis évidemment à pleurer, comme il pleurait toujours. Il s'est mis à genoux pour me raconter. Donc il pleurait, il me disait, voilà, on m'a enlevé. Quand il a vu cette tache de sang de Joséphine sur le lit, il était en larmes. Et en même temps, après, il me disait, et là, il était mort de rire pour me raconter comment le kidnappeur, pour demander la rançon, était allé dans une cabine dans pleine campagne genevoise, vide une nuit, et que pour camoufler sa voix, il avait mis un masque en latex de François Mitterrand, le président de l'époque. Et il me dit, il était mort de rire. Il me dit, tu t'imagines, en pleine campagne genevoise, évidemment, François Mitterrand qui téléphone d'une cabine téléphonique suisse, c'est quand même très improbable. Ce qui fait qu'évidemment, immédiatement, des gens qui passaient en voiture ont relevé la plaque de la voiture de François Mitterrand. Et comme il était très ami, il faut le rappeler, de Mitterrand, il allait à l'Élysée constamment. Mmh. Mitterrand avait une passion pour l'écriture de Frédéric Dard. Et donc, c'est grâce à Mitterrand, d'une certaine manière, qu'on a retrouvé le Joséphine. Eh bien, ce mélange de l'effroi devant l'enlèvement de sa fille, et en même temps, les conditions totalement rocambolesques, sans Antoniesque, des retrouvailles, grâce à François Mitterrand, évidemment, le faisait. C'était ça, Frédéric Dard. Jérôme Garcin, Frédéric Dard. San Antonio, on n'a pas beaucoup de temps, mais vous êtes un homme de radio, donc vous savez ce que c'est. Qui a inventé l'autre ? C'est Frédéric Dard qui a vraiment inventé San Antonio. Bien sûr. Très jusqu'à une fusion presque, pour les gens, oui. Jusqu'à une fusion des deux, c'est pour ça que je pose la question Pour les gens, c'est San Antonio. D'ailleurs, aujourd'hui encore, où il est malheureusement un peu moins lu qu'autrefois, San Antonio, c'est Frédéric Dard. Alors que Frédéric Dard n'est pas toujours San Antonio. Mais là encore, moi je suis évidemment dans le souvenir de cet ami, de cet écrivain, et je sais que lui, sa fierté, c'était d'être Frédéric Dard. C'était pas d'avoir inventé, il se moquait de lui-même incroyablement. Il disait, tu sais comment j'ai trouvé San Antonio ? J'ai mis mon doigt sur une carte des États-Unis, il est tombé sur San Antonio et c'est devenu San Antonio. En revanche, son rêve, dans les longues lettres qu'il m'adressait, très belles lettres d'ailleurs, admirablement écrites, il me disait, tu sais, mon rêve à moi, ce serait un jour d'être publié dans la collection blanche de Gallimard, dans la NRF. Mmh. C'était ça son aspiration, c'était d'être un écrivain. Il ne se sentait pas digne de ça. C'est quelqu'un qui doutait de lui, mais à un point que vous n'imaginez pas. Il était convaincu d'être un petit écrivain, d'être à peine digne d'admiration. C'est peut-être la marque des grands, d'ailleurs. Et je crois que c'est la marque des grands, absolument. Je m'en rappelle, il y avait dans ma ville une fille qui s'appelait Lucille. Un vieux rock portait son nom, mais son cœur était un bloc de béton. Je lui écrivais des lettres 10 par jour. Je t'aime et je t'aimerai toujours. La seule réponse à mes illusions fut non, non, non. Alors dans le même sac j'avais mis amour avec famille, patrie. Jouait les durs, les méchants qui traînent dans le quartier de la mauvaise graine. Quelquefois j'allais chanter pour du flouze. Cette fameuse Lucille, cette fameuse blouse, venait-elle me voir au mini-pinson? Non, non, non. Lucille, Lucille. Lucie, Lucie, Lucie. On m'a mis sur un mauvais coup et ça m'a rapporté beaucoup. Perdu au poc sur une paire et gagné 10 ans de placard, belle affaire. J'lui écrivais des lettres 10 par jour. Je t'aime et je t'aimerai toujours. 10 par jour. Venait-elle me voir à la prison? Non, non, non. Non, non, non. Lucie. Lucie, Lucie, Lucie, Lucie, Lucie. Lucie. Jérôme Garcin, nous vous retrouvons à la fois comme journaliste spécialiste de littérature que vous êtes et l'ami de Frédéric Dard que vous étiez, donc à cette double dimension qui nous intéresse. Donc il vivait en Suisse, j'imagine qu'il croulait sous les droits d'auteur aussi vu le nombre de livres qu'il a vendus. Quel était son style de vie, son mode de vie ? D'abord, il répétait, c'était en boucle, si j'avais pas été écrivain, j'aurais été professeur de chagrin. On en revient à son pessimisme ontologique. Et l'autre chose, c'est, n'oublie jamais que je suis un fils de serre. Il se considérait vraiment comme un enfant vraiment du prolétariat, du plus bas niveau. Et il me disait, tu vois, moi j'ai vraiment une existence de parvenu. Et il s'en vantait. Ce qui fait que le personnage était digne de la vérité, si je mens, parce que c'était quand même... Moi, il venait me chercher, par exemple, à la gare de Genève, ça, j'oublierai jamais, il arrivait avec une de ses nombreuses Maserati, toujours blanche, mais quand je dis blanche, c'était nickel, ou rouge. Il arrivait, il avait je ne sais combien de bracelets en or, de chaînes en or autour du cou. Il affichait, comment dire, les signes distinctifs de la réussite pour s'en moquer. En disant, j'appartiendrai jamais au monde des gens distingués, des élégants, des raffinés, des gens qui ont la culture. Et donc, il en rajoutait, évidemment, dans les voitures de luxe, il me faisait des cadeaux, je lui disais, tu peux pas m'offrir ça, c'est des stylos avec des bijoux au bout du capuchon. Ce qui était risqué, quand même, parce que dans son entourage, et les gens proches ou moins proches, auraient pu mal le prendre et ne voir que le parvenu. Absolument. Mais d'ailleurs, l'enlèvement de Joséphine est dû à ça, hein. C'était que c'était, bon. Parce qu'il faut ajouter à Vandœuvre, il faut ajouter que Stadt, un immense chalet à Gstaad, les vacances qui ne pouvaient passer qu'à Marbella. Il s'était inventé un monde dans lequel il était heureux de se moquer de sa propre fortune qui était effectivement assez considérable. Et en même temps, je pense qu'une fois qu'il était là-dedans, il ne faisait qu'une chose, c'était travailler. Je crois que je n'ai jamais vu un staccanoviste de l'écriture comme lui. Il s'enfermait du matin jusqu'au soir. Il tapait ses romans les uns après les autres. Il a jamais vraiment pris de vacances au sens où on l'entendrait nous. Il ne s'est jamais arrêté. Constamment, il produisait. Et puis le lieu où je crois il a été le plus heureux, le plus lui-même, c'était cette ferme de Fribourg. Merveilleuse d'ailleurs. Toujours en Suisse. À la fin des années 80, j'avais lancé une idée un peu folle qui était de demander à des écrivains leur épitaphe. Et il m'avait écrit cette chose absolument magnifique en parlant de lui à la troisième personne du singulier. Il fuyait sa personne allant jusqu'à se courber à l'équerre lorsqu'il devait passer devant un miroir et n'attacha de considération qu'à ses yeux très clairs et à son sexe très fort. Il les estimait complémentaires, les premiers faisant aux femmes des promesses que tenait le second. Et ça se termine comme ça. Il repose dans le petit village suisse de Bonnefontaine, en basse gruyère. Chacun fait son trou où il peut. Ce qui était quand même à la fois le plus noir et le plus drôle des Frédéric Dard. Bien, écoutez, on ne va pas nous avoir un trou d'une minute, puisqu'il nous reste une minute. Alors, pour le coup, la question, je la pose aux journalistes littéraires et critiques littéraires. Donc, au-delà des rapports très intimes que vous aviez avec lui, finalement, quelle place tient son œuvre dans notre histoire littéraire française contemporaine ? Je pense qu'elle est aussi grande que celle de Simenon, dont le succès ne s'est pas démenti. C'est-à-dire que Simenon, c'était la grande prose française classique, très pour le coup NRF, un peu blanche, appliquée au polar. Avec Maigret, bien sûr. Avec Maigret. Et que Frédéric Dard, c'était exactement le contraire. C'était le Rabelais moderne, vous l'avez évoqué au début de cette émission. C'était la paillardise française. C'était une manière de l'esprit de Charlie Hebdo dans la littérature française et dans le polar. Et je pense que l'inventeur, en revanche, que n'était pas Simenon, l'inventeur de syntaxe qu'était Frédéric Dard, en font, à mon avis, un des grands écrivains français du XXe siècle. Merci Jérôme Garcin, rendez-vous après-demain soir sur l'antenne pour Le Masque et la Plume. Merci, au revoir. Affaires sensibles, la fiction. De Fabrice Rouel. Et Patrick Liégibel. Aujourd'hui, Frédéric Dard ou San Antonio contre Arsène Lupin de Gérard Levoyer. Avec dans le rôle de Frédéric Dard, Lionel Astier, Françoise Marie-Christine Le Thor, Joséphine Aurélie Nusillard, Gustave Grémaud, Jérôme Chapatte, Édouard Bois de Chêne, François Hatt. Bruitage, Frédéric Antoine. Présentation, Fabrice Drouel. Prise de son, montage, mixage, Bernard Laniel et Laurent Corle. Assistante à la réalisation, Marion Guilaine. Réalisation, Étienne Vallès.